Quatre fragments sonores d'une cour d'immeuble ancien de la rue Barnave. Premier fragment, B1. Un climat sonore de la cour entendu depuis une fenêtre du troisième étage, un après-midi de printemps. Monsieur.